Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et pour ce dernier segment d'émission de Futur Simple, nous revenons sur cette nouvelle selon laquelle le Canada se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde. Et pour comprendre comment s'effectue le réchauffement climatique anthropique, François Grégoire a choisi de revenir sur un chapitre de livre de l'astrophysicien Jean-René Roy, le livre intitulé « Sur la science qui surprend, sur la science qui surprend, éclaire et dérange » et qui est paru l'automne dernier aux presses de l'Université Laval. Alors François, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que l'effet de serre est un phénomène qui a été découvert assez récemment, mais ce n'est pas le cas en fait. Tout à fait, Valérie. Alors moi, j'en ai entendu parler pour la première fois à l'automne 1977 à l'Université de Sherbrooke, alors que j'étais étudiant en chimie. Et c'était pas du tout dans le cadre d'un cours de chimie, mais plutôt dans une discussion entre nerds qui lisaient des revues scientifiques. Alors, c'était vraiment anecdotique à l'époque. Mais Jean-René Roy nous apprend que c'est à Svante Arrhenius, un physicien et chimiste suédois, que l'on attribue la reconnaissance de l'effet de serre atmosphérique provoqué par des composés chimiques. Et je vous rappelle qu'Arrhenius a vécu de 1859 à 1927, donc ça date pas d'hier. Non, effectivement. Et comme bien souvent en science, j'imagine qu'avant Arrhenius, d'autres scientifiques s'étaient penchés sur la question. Oui, il y a eu un mathématicien et physicien français du nom de Joseph Fourier, mort en 1830, et un physicien irlandais, John Tyndall, mort, lui, en 1893. Alors, vers 1830, Fourier avait réussi à calculer que la Terre, qui était éclairée et chauffée par le Soleil, aurait dû être un peu plus froide qu'elle ne l'était en réalité. Il croyait donc que l'atmosphère jouait un rôle d'isolant. Alors, Tyndall, lui, pour sa part, il a expliqué que l'atmosphère était un isolant à cause de sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge qui était émis par le sol. Alors, fort des travaux de ses prédécesseurs, Arrhenius a décrit précisément ce qu'était l'effet de serre, quelles en étaient les causes et quelles en seraient les conséquences. Et en 1896, il a quantifié correctement la contribution du CO2 et a élaboré sur l'impact et la teneur atmosphérique en CO2 dans la variation à long terme du climat. Donc en 1896 déjà. Mais oui. Comment se produit l'effet de serre physiquement? En fait, pourquoi certains gaz induisent un effet de serre et pas d'autres? Les gaz à effet de serre comme le CO2, le méthane et beaucoup d'autres gaz sont des pièges à lumière visible, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la lumière visible provenant du soleil, mais bloquent les rayons infrarouges. Alors, vous voulez me dire, c'est quoi le rapport? Alors, effectivement, quoi le rapport? Alors, le rapport, c'est que lorsque la lumière visible frappe un objet, elle est transformée en partie en infrarouge. Et l'infrarouge, lui, ne peut s'échapper. Donc, S'échapper de l'atmosphère. Il ne peut pas s'échapper de l'atmosphère. Parce qu'il est bloqué par le CO2, effectivement. Alors, lorsque la lumière visible frappe un objet, elle est transformée en partie en infrarouge, et l'infrarouge, lui, ne peut s'échapper. Donc, il y a un emprisonnement de la chaleur, et la température de l'objet va augmenter. Et si la lumière visible ne se transformait pas en infrarouge en frappant un objet, elle serait complètement réfléchie, et il n'y aurait pas de production de chaleur, et la chaleur, la température de l'objet, resterait la même. D'accord. Donc, dans le discours sur les changements climatiques, généralement, on pointe le CO2, mais il y a un autre gaz quand même qui aurait un effet dominant, l'eau, la vapeur d'eau tout simplement, qui pourrait aussi être qui est aussi un gaz à effet de serre. Tout à fait. Et comme le dit Jean-René Roy dans son livre, la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère est responsable du maintien de la température de la surface terrestre en moyenne à 15 degrés Celsius, comparativement à moins 20 degrés s'il n'y avait pas de vapeur d'eau. Et ça avait été aussi calculé par Fourier. Alors, c'est quand même une différence de 35 degrés créée par l'effet de serre dû à la présence de vapeur dans l'atmosphère. Oui, ça, on l'oublie ou on l'ignore. Moi, j'ignorais. Moi aussi, écoute, j'ai travaillé dans le domaine pendant plusieurs années et je ne savais même pas ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens non plus qui le savaient. Et même si l'effet de serre causé par la vapeur d'eau est énorme, il est limité par le fait que tout excès de vapeur d'eau dans l'atmosphère se condense en pluie et que la concentration dans l'eau dans l'atmosphère est assez constante finalement. Ah oui, c'est ça. Donc, ça se condense en pluie. Ça ne peut pas augmenter à l'infini, c'est ça. C'est ça. Ça va juste faire monter augmenter le volume des océans, mais ça ne va pas augmenter l'effet de serre. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est la contribution de la nature à l'effet de serre global. Mais quelle est la contribution anthropique? Alors, la grande majorité des études et des simulations le démontrent. L'augmentation du CO2 et des autres gaz à effet de serre est surtout de cause anthropique. Donc, ça, il faut que ce soit clair. Alors, selon Jean-René Roy, les premières cultures et activités agricoles qui ont eu lieu il y a 10 ans jusqu'au 19e siècle étaient la principale source de gaz à effet de serre. Et depuis l'ère industrielle, bien, l'utilisation massive de combustibles fossiles pour la production d'énergie et pour le transport a tout fait basculer. Effectivement. Et qu'est-ce qui arrive avec tout ce CO2 émis dans l'atmosphère? Il va où? Alors, il y a un équilibre complexe entre les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère et ceux qui se retrouvent dans les océans et dans la biosphère. Il y a un flux continuel entre les sources de CO2 et ce qu'on appelle les puits de carbone. C'est-à-dire que tous les processus contribuent à absorber le CO2. Les principaux puits ou réservoirs de carbone sont l'atmosphère, les océans et l'ensemble des forêts et des végétaux et des sols. Mais il ne faut pas oublier que les puits ou réservoirs de carbone pourraient redevenir d'éventuelles sources de CO2 si les conditions changeaient. Par exemple, si dans l'atmosphère, la concentration diminuait énormément, bien, il y aurait dégazage des océans. C'est vrai, oui. Et les émissions d'origine anthropique sont absorbées par les océans dans une proportion de 24%, ce qui les acidifie et cause un impact sur l'environnement marin. Et 30% des émissions sont absorbées par les sols et 46% demeurent dans l'atmosphère. Et donc, ça réchauffe. Et effectivement, et on le sent bien. Ouais. Et comment on mesure les concentrations de CO2 dans l'atmosphère? Alors, au début des années 50, un géochimiste américain qui s'appelait Charles Keeling s'intéresse à ce problème et met au point un spectromètre infrarouge qu'il va installer sur un volcan à Hawaï. Et les mesures commencent en 1958. Et qu'est-ce qu'il a mesuré? Alors, Keeling a d'abord observé une importante variation saisonnière correspondant à l'évolution de la végétation entre l'été et l'hiver. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un fait. C'était d'ailleurs un effet aussi qui était local et à court terme, on le comprend. Mais après plusieurs années de mesures, il observa que la concentration en CO2 croissait avec le temps de façon surprenante. Alors, on mesurait 300 ppm en 1960. Ppm, c'est des parties par million en 1960. Et en 2018, on mesurait 410 ppm. Passer de 300 à 410 en 60 ans, près de 60 ans finalement. Effectivement. Donc, pour ce qui est de l'année de référence 2016, les émissions anthropiques ont atteint 41 gigatonnes de CO2, soit 2700 fois plus que celles de tous les volcans actifs présentement. Alors, parmi ces émissions, 90% proviennent de la combustion de carburants fossiles. Alors, on voit quelles sources on doit cibler en premier pour réduire nos émissions. Il me semble que c'est clair. Ensuite, la déforestation, l'exploitation des sols pour l'agriculture et le développement urbain et la construction d'infrastructures sont responsables de 9% des émissions globales. Alors, le niveau de CO2 atmosphérique se trouve donc 43% plus élevé qu'au commencement de la révolution industrielle vers 1850. À l'époque de Arrhenius, justement. Oui. Et maintenant, on dispose de plusieurs observatoires pour mesurer le CO2 et ça va nous amener vers une véritable révolution parce qu'on va avoir des données beaucoup plus précises. Tout à fait. Les mesures de gaz à effet de serre à partir d'observatoires en orbite constituent une véritable révolution. Alors, le plus puissant actuellement en fonction est l'Orbital Carbon Observatory 2, mis en orbite par la NASA le 6 septembre 2014, donc il n'y a pas si longtemps. Alors, le satellite a été mis sur une orbite polaire et fait le tour de la Terre en 99 minutes. Et ces instruments fournissent plus de 74 000 mesures à chaque orbite. Oh, c'est beaucoup ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est presque une observation en continu de la surface de la Terre et de l'atmosphère avec une résolution de 3 km². Alors, grâce à cet observatoire, il est maintenant possible de localiser et de caractériser les sources et les puits de CO2 et de comparer les émissions des surfaces océaniques et continentales. Ah oui, on n'a plus une mesure globale, comme avant, du haut du mont Hawaï, mais on a vraiment des mesures très détaillées dans des petites mailles de 3 km carrés. Effectivement, ça fait énormément de données, mais effectivement, ces données-là vont pouvoir nous permettre de comprendre le phénomène. Oui, c'est ça. Justement, qu'est-ce que ça donne d'avoir une résolution aussi précise que 3 km carrés? Bien, elle permet de déterminer les sources de gaz à effet de serre avec une précision quasi chirurgicale. Et bon, que ce soit dans les steppes, dans les forêts, dans les déserts, les lacs, les océans, mais aussi dans les villes, les banlieues, les milieux agricoles, les champs pétrolifères, les autoroutes, les raffineries, les cimenteries et la variation de leurs émissions en fonction des saisons. Alors, certains disent que cet observatoire surveillera la respiration de la Terre, si on peut dire. Alors voilà, alors merci à Jean-René Roy pour cette recherche et sur ce texte que l'on retrouve dans son dernier livre sur la science qui surprend, éclaire et dérange. Et puis un livre, d'ailleurs, rappelons-le, qui aborde bien d'autres sujets, comme par exemple le rythme circadien, les ondes gravitationnelles, le génie génétique, la distinction entre savoir et croyance, donc effectivement la science qui surprend, éclaire et dérange. Et pour ceux qui voudraient rencontrer Jean-René Roy et discuter avec lui, ben, il sera au Salon du Livre de Québec le samedi 13 avril à 13h. Alors, ben, merci François. C'était un plaisir.